Bienvenue sur le site projet-lapasserelle.com. Comme chaque mois, nous vous proposons notre analyse astro de la nouvelle lune à venir. Cette nouvelle lune aura lieu le 6 mars à 16h05 dans le signe du Poisson. Forcément, cette nouvelle lune va nous parler de transmutation et de transformation profonde. C'est la mort de l'ancien temps pour naître au nouveau cycle, déjà en devenir. Un thème astral qui est donc marqué par l'imminence des changements intérieurs qui doivent être faits. Alors, arrêtons nos branlettes, remontons nos chaussettes, c'est l'heure de plonger vraiment dans notre océan intérieur, même si on est mort de trouille. Toutes les planètes de ce thème sont dans l'hémisphère occidental, liées à l'ouest, au coucher du soleil. Cette nouvelle lune est donc teintée par cette concentration plein ouest de l'ensemble des planètes. On est donc dans le domaine de l'intuition, du ressenti et finalement dans un monde peu lié au formel. La nouvelle lune a donc lieu le 6 mars 2019 à 16h05, temps universel plus 1, en Poisson. Vous trouverez une triple conjonction, Lune, Soleil et Neptune, en maison 7. La maison 7, c'est le crépuscule. Ici encore, on retrouve le plein ouest. Le signe du Poisson, lié à la maison 12, est une fin de cycle. On est du coup assez éloigné du youplaboum printanier qu'on voudrait vivre ou ressentir. Alors oui, bien sûr, l'énergie du printemps monte depuis le 1er février. Mais la nouvelle lune du 6 mars nous rappelle que le yin, la profondeur, domine encore. Le solstice, le moment où le yang prendra le dessus, c'est le 21 mars. Il reste encore 15 jours et croyez-moi, ça peut être très long, 15 jours. Le poisson, mort et renaissance. Le poisson est le dernier signe du zodiaque. Il est lié à la maison 12 et a comme maître Jupiter et Neptune. Alors, comment définir le poisson? C'est tout le drame, on ne le définit pas. Avec le poisson, on plonge dans le royaume de la conscience et son immensité. On entre dans le domaine du subjectif et de la perception. Nous sommes en plein dans le domaine du non-tangible. Comment voulez-vous attraper de l'eau? Comment voulez-vous limiter ou définir l'océan? Avec le poisson, tout est changement et transformation permanente. La maison 12, rappelez-vous, c'est la maison de l'épreuve. La fin du cycle, mais la maison de l'épreuve. Là où on abandonne nos dernières croyances, nos dernières certitudes, nos dernières illusions. Dans le thème de cette nouvelle lune, le Soleil, la Lune et Neptune sont en conjonction dans le poisson, dans la maison 7. Donc c'est principalement notre rapport aux autres qui va être transformé et qui doit être transformé. Au lieu de se servir du monde pour nous fuir, nous allons apprendre au contraire à nous servir du monde pour être encore plus nous-mêmes. Ça semble difficile, mais c'est le talent du poisson de passer là où il n'y a pas de place. Hélas, le poisson aime les projections. Il adore les fantasmes et les illusions en tout genre. Là, en plus, avec Neptune en domicile, la puissance du fantasme est renforcée. Neptune est le maître du poisson, mais aussi du rêve, de la perception et des illusions. L'un des écueils du poisson, c'est sa quête de fusion. La fusion donne le sentiment d'une réalité supérieure à la dureté du réel. On se croit relié à un plus grand tout. En plus, cette fusion nous rassure, car grâce à l'autre, dans lequel nous fusionnons ou qui fusionne avec nous, on peut enfin se définir, enfin se limiter, enfin exister de manière tangible. Je vais sauter un bout de l'analyse astrologique de Sido et Charlie pour venir à un autre point qui est celui de devenir son propre témoin silencieux. toujours dans cette idée d'immensité, de dilution, d'illusion propre au poisson et renforcée par la présence de Neptune dans sa maison, elle nous suggère, au lieu d'être ballotté par les vagues de la vie et de passivement regarder cette vie s'écouler hors de nous, en laissant nos fantasmes et nos illusions diriger nos vies, d'être présent en permanence sur nos perceptions. Attention, nos perceptions ne sont pas liées à nos vagues émotionnelles, mais à notre voix intérieure, à cette petite voix, toute douce, très discrète, très tenace aussi, qui parle à l'intérieur de nous. Cette voix qui nous fait dire « Je le savais ». Vous aviez eu l'info, vous ne l'avez pas écouté. Eh bien, c'est exactement là-dessus qu'il va falloir être présent ce mois-ci. Le poisson est le roi de la fuite. La fuite pour ne pas se voir. Le drame, c'est que tout peut servir de fuite. Tout ce qui nous coupe du monde, de notre réalité incarnée et donc de nous-mêmes. Les toxiques, le sport, la lecture, la télé, l'amour, le sexe, le vin. Tiens, j'ai pas mis le vin dans les toxiques. Eh oui, franchouillard un jour, franchouillard toujours. Donc, ce qui nous est proposé avec le thème de cette nouvelle lune, c'est au lieu de fuir notre folie, la peur du poisson. C'est la peur majeure du poisson, c'est d'être fou. Accrochons-nous à notre conscience et justement acceptons d'être fou. Fou, car toujours changeant et pourtant toujours le même, toujours la même conscience immuable. C'est ça, intégrer son témoin éternel. Accepter celui qui voit au-delà de nos actions, au-delà de nos pensées, au-delà de nos émotions. C'est être ici et ici. Je répète, être ici et ici. C'est-à-dire totalement dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est en train de faire, et pourtant observateur de ce qui se fait, de ce qui est en train de se faire. C'est ça la présence. Si vous captez ce sentiment, vous connaissez la présence. La présence n'est pas de la tension, elle est de la détente active. Être ici et ici. Un autre point essentiel, je saute des passages, il ne faut pas oublier que c'est un résumé. Je saute des passages, Jupiter nous propose de franchir le seuil. Rappelons-nous, le poisson est gouverné par Neptune, on l'a vu, et par Jupiter. Alors, où se cache donc Jupiter dans ce thème? En fait, il ne se cache pas, c'est pas le genre de la maison. Il est même bien visible, puisque c'est lui qui ouvre la danse de l'Ouest en maison 4 et ouvre un seuil. Jupiter se retrouve en Sagittaire, où il est lui aussi en domicile. De plus, il est en carré à Neptune, à la Lune et au Soleil. Jupiter va donc dynamiser la triple conjonction et lui insuffler toute sa puissance. Je vous lis le symbole sabian de Jupiter à 22 degrés Sagittaire. Un groupe d'immigrants se plie aux formalités d'entrée dans un nouveau pays. Acceptez en conscience une orientation nouvelle en étant prêt à saisir les ouvertures qu'elle offre. Au seuil d'un nouveau domaine de l'existence, il faut remplir certaines conditions et s'adapter nécessairement à de nouvelles manières de faire sur tous les plans. Parfois, cette obligation peut paraître une épreuve, mais on ne saurait y échapper. Transition. Voilà, c'était le symbole sabian. On est donc au seuil d'un nouveau domaine d'existence. Et on a acheté notre billet, on a pris l'avion, et une fois à terre, on se tâte, on pèse le pour et le contre, on négocie, on reproche, on trouve que c'est moins bien que ce qui était prévu. Finalement, on veut bien être ici, mais avec le confort de notre ancienne vie. En bidouillant nos souvenirs, on se berce d'illusions et on déforme ce qu'était notre ancienne vie. Du coup, on reste là, sur le seuil, à jouer au con. Mais attention, dans le symbole sabian, il est noté « mais on ne saurait y échapper ». Et c'est Jupiter qui porte ça. La planète, la plus grosse planète du système solaire, un pseudo-soleil, on pourrait dire. Un petit peu plus loin, on va trouver la notion de temporalité. Il n'y a plus le temps. La vie est courte, on le sait tous. Pourtant, on se réfugie encore derrière notre croyance d'immortalité. Jupiter, toujours elle, la plus grosse planète du système solaire, a la capacité de donner toute l'énergie dont nous avons besoin pour alimenter absolument tout. L'aspect en carré avec Neptune permet donc à Jupiter, d'amplifier aussi notre besoin d'être rassuré, notre soif de certitude, notre besoin d'appartement, d'appartenance et de fixité. Si on a envie de fuir, c'est vraiment le moment. Par contre, nous pouvons aussi nous poser la question, est-ce que je veux franchir ce seuil ? Vraiment se poser cette question. Je veux franchir ce seuil, oui ou non ? Après, il faudra assumer la totale responsabilité de ce choix et de ce que ça implique, que ce soit agréable ou désagréable. Je saute encore un passage pour arriver à une partie de la conclusion qui est enfin l'accès à une dimension collective. Si vous regardez les thèmes depuis le mois de décembre, notre rapport au collectif est fortement mis en avant. Et ça continue avec ce thème de la nouvelle lune en maison 7, qui est la première maison des relations à l'autre. Traditionnellement, on l'appelle la maison du mariage. Le symbole sabian de Neptune à 16 degrés poisson est une fête de Pâques. La capacité propre à toutes les grandes images socioculturelles d'unir les membres d'une communauté en exprimant des sentiments altiers. Mot-clé, participer à une élévation spirituelle collective. Alors attention, on est dans le poisson, et donc le risque c'est de plonger dans le collectif pour fuir notre petit jeu. Mais Neptune ne sert pas qu'à se fuir ou à fuir la réalité. On ne pourra pas contourner la case solitude qui est déjà revenue maintes fois. On va essayer, c'est sûr, mais restons imperturbables. Car c'est en acceptant pleinement cette solitude qu'on va pouvoir se détacher de la masse et mettre notre individualité au service d'un plus grand tout. Partager sans se diluer. Le cycle arrive à sa fin, la maison 12. Servons-nous de l'énergie très forte du poisson pour plonger en nous au lieu de nous fuir à travers l'autre. La part de fortune est à la toute fin du lion. C'est donc notre individualité qui est à partager. Nous n'avons pas à disparaître dans le collectif, mais exactement l'inverse. Nous devons porter individuellement le collectif. Vous comprenez ? Nous n'avons pas à disparaître dans le collectif, mais nous devons porter individuellement le collectif. Alors, arrêtons les caprices, les espoirs et les illusions sur nous et sur le monde. Voyons-nous sans phare. Acceptons et aimons ce qu'on est, ce qu'on a, et déposons nos richesses intérieures dans ce collectif. Ce n'est plus 7 milliards de piou-piou ou une masse gigantesque faisant un seul gros piou-piou, mais bel et bien 7 milliards d'humains qui pensent, aiment, vivent individuellement la conscience d'être tous reliés à une chose essentielle, la vie. Voilà, c'était un bref résumé avec beaucoup d'hésitation et de bafouillage de l'analyse de la nouvelle lune faite par Sidonie et Charlie sur le site projet-lapasserelle.com. Vous pouvez lire l'intégralité de l'analyse sur ce site et toutes les analyses précédentes et suivantes. Très bonne journée, très bonne nouvelle lune à vous tous. Au revoir.